Ça s'appelle Rôle de composition, c'est chez Mécanique Générale. Jimmy Beaulieu est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, j'ai l'impression, en fait, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas une nouveauté BD, courtoisie de Jimmy Beaulieu. Il y avait eu Comédie sentimentale pornographique en 2011, dans l'interstice, Vic et Flo, Le temps des siestes et d'autres, mais un album en bonne et due forme, projet 100% original, ça fait un certain temps qu'on l'attend. Ça. Oui, c'est en effet, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première raison, je pense, c'est le dessin. J'ai vraiment poussé le dessin, j'ai presque réappris à dessiner. Déjà dans Le temps des siestes, on voit que je m'amuse avec des aplats noirs, des couleurs plus vives, puis c'est beaucoup moins rapide et spontané qu'avant, donc c'est plus échafaudé et épuré par la suite. Donc c'est une autre construction du dessin, j'ai eu beaucoup de mal à faire de la bande dessinée avec ça. J'y suis arrivé, je pense, avec ça. Mais j'aurais aussi fait pas mal de contrats, tout ça, qui sont alignés de la commande un peu plus alimentaire. Puis je travaille sur ce bouquin-là depuis 2012 aussi, donc ça a quand même pris aussi pas mal de temps à le faire. Et qu'est-ce qui t'avait donné envie, justement, d'essayer d'amener ailleurs ton dessin, de pousser plus loin? C'est le désir de se tester un peu, le désir de se renouveler? C'est vraiment le désir de se renouveler aussi. J'ai toujours voulu dessiner comme ça, puis j'ai jamais été capable. Tu sais, c'est le dessin spontané du premier jet, c'est vivant, ça a quand même une qualité qu'on peut pas réatteindre en étant un peu plus linclap et construit, tout ça. Il y a vraiment une saveur particulière. Sauf que on se ramasse dans un enclos un peu restreint de style de forme de tête, position de corps, taille de personnage, qui reviennent tournent un peu en rond. Puis pour construire ça, c'est ça, je voulais avoir plus d'échafaudage, je voulais des images qui claquent aussi un peu plus, qui étaient plus solides, qui avaient plus de poids avec des aplats noirs, que l'espèce de côté aérien de l'aquarelle que j'avais avant. Donc c'était vraiment une question de l'essayer, puis j'ai trouvé que je pouvais avoir tout autant d'ambiance et de vitalité, de vivacité, de punch avec ce style-là, mais avec plus de solidité graphique. Et puis j'imagine, en fait, il y a toujours le temps de se l'approprier. En fait, on réussit à le trouver. Puis après ça, il faut devenir plus agile avec ce style-là pour éventuellement passer avec une efficacité un peu plus large. Donc, il y a toute la dynamique d'acquisition après la recherche. Oui, il y a vraiment une de ça. Je suis vraiment retourné à l'école du dessin, puis j'ai appris le dessin classique. T'sais, je lisais du Machereau, du Matsumoto, des grands anciens tilleux. Puis je me disais, hey, si on était capable de le faire, ça veut dire que c'est possible, tu sais. Puis donc, je me suis vraiment attelé, puis je l'ai appris. Donc, c'est vraiment comme si j'avais appris un logiciel, puis tu sais, rendu à 40-42 ans, on apprend plus lentement, là. Fait que c'est peut-être pour ça que ça a été un peu long. Oui, parce que tu avais été un peu... En fait, t'as ton premier apprentissage, au départ, c'était un peu en tant que libraire, en tant que lecteur. Ouais. Tu avais fait le saut comme dessinateur, comme auteur. Mm-hmm. Donc, c'est un peu un retour en arrière, un Jimmy Beaulieu 2.0, où tu reprends la même démarche, tu lis, tu te documentes. Ouais. Mais peut-être appuyé, oui, par ton expérience, puis aussi par les ateliers BD que t'animes, les contacts, ouais, le réseau que tu t'es développé avec le temps. Donc, est-ce qu'on a l'impression, malgré l'âge, que c'est peut-être un peu plus facile de se lancer, ou au contraire, qu'on a la conscience du poids des images, du poids de la mm-hmm. démarche, et donc on a moins la prétention qu'on pouvait avoir il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années? C'est sûr que quand on est jeune, justement, la fougue puis l'insouciance nous fait faire nos erreurs plus vite, puis ça, c'est le fun, parce que c'est à ce temps-là qu'il faut les faire. Mais là, je sais pas, justement, la quarantaine, là, tu te dis, OK, c'est le temps, je peux plus être prometteur. J'ai 42 ans, faut que je fasse mes vrais bons livres. C'est là qu'il faut que je commence cette période-là, tu sais. Faut que je fasse des bouquins qui font plus juste suggérer que je peux être bon si vous me donnez une chance, là, tu sais. C'est un gros changement. Puis le fait d'en parler à chaque semaine avec des élèves, puis de, tu sais, soutenir des jeunes autant que je peux, puis je pense que ça nourrit, ça peut inhiber, tu sais, d'être théoricien, le côté théoricien peut inhiber beaucoup, parce que tu dis, bon, ce que je viens de faire, est-ce que c'est aussi bon que tout ce que je critique, tu sais, est-ce que, donc ça peut vraiment être paralyser un jeune auteur. Mais je sais pas, là, pour moi, en tout cas, c'est ça que ça me nourrit, puis c'est ça que ça me fait des saine et féconde remise en question. Et j'ai l'impression, parce que je fais le pas un peu vers l'histoire de rôle de composition avec ce que tu viens de me dire, dans la mesure où il y a une notion de crise, de réflexion, de remise en question qu'on vit beaucoup avec la quarantaine, à l'approche ou un peu dépassée. Et tes personnages à l'intérieur de rôle de composition vivent aussi ces crises-là. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la réponse en BD aux réflexions que tu avais sur justement bon, je dessine, comment je devrais dessiner, où je m'en vais, est-ce que ça vaut quelque chose, etc. Ouais, ben c'est, en fait, j'ai décidé de vivre ma crise de la quarantaine dans un livre au lieu de la vivre dans ma vie, parce que ça aurait vraiment foutu la merde dans mon couple et tout ça. Donc, j'ai préféré faire ça en fiction, c'est pas mal moins de troubles. Mais c'est ça, justement, toute cette espèce de t'es ça, t'es au milieu de ta vie, donc tu décides de vraiment de ça, faut que ma vie me ressemble, mais en même temps que je trahisse pas ceux qui sont avec moi dans cette vie là donc c'est vraiment la tension entre le carpe diem et le être une bonne personne, t'sais. C'est donc c'est ça que je voulais interroger, je pense, avec ce livre là je me rendais pas compte pendant que je le faisais, mais quand je l'ai relu, je me suis aperçu que c'était peut-être ça qui était un des thèmes les principaux. Oui, qu'il y avait un pont direct, toujours avec l'idée des histoires d'amour, des histoires de relations amoureuses, de relations sexuelles aussi, donc ouais. qui sont très présentes, donc l'aspect relationnel qui sous-tend l'aspect existentiel, donc on reste quand même aussi dans ton champ thématique habituel, on pourrait dire. Ouais, ben c'est pour ça que j'ai des bonnes idées. Tu sais, j'aimerais bien ça faire des trucs politiques puis être plus engagé et tout ça, mais j'ai vraiment pas des bonnes idées pour ça. Alors que ce que je fais, je pense, c'est politique, puis je pense que justement la ferveur sentimentale et sexuelle qui au début est accompagnée d'une ferveur politique, puis les deux s'étiolent au fil du bouquin, là, la ferveur à la fois dans le couple et à la fois dans l'engagement sont... Il y a une petite distance, on y repense, on essaie d'être un peu plus adulte par rapport à ça dans les deux cas. Donc, je pense que justement, il y a toujours une part sexuelle dans tout ce que je fais, mais là, il y a, je sais pas, un écho dans le thème de l'engagement, qu'il soit politique ou sentimental. Là. Oui, puis un écho dans le temps, dans le fond, parce que c'est toujours un peu le défi, dès qu'on est dans une situation de couple, c'est de garder ce qu'on appelle la flamme des débuts, mais de se rendre compte éventuellement qu'on peut juste pas la garder parce qu'on est rendu autre chose, qu'on n'est plus les personnes qu'on était au départ. Et dans Rôle de composition, on suit un couple, en fond deux femmes, Noémie et... Colette, et on les suit au fil de différentes années, justement... La passion du début qui va s'étioler vers le mensonge, la tromperie, le regret, etc. etc. Donc, on se donne le luxe, autant en nombre de pages pour expliciter ça, puis en nombre d'ellipses, de périodes qu'on va présenter dans tout ça. Ben, tu l'as bien lu, ça me fait plaisir d'entendre ça, je trouve. Ben, en fait, t'as une lecture juste, ça me flatte, parce que le livre vient juste de sortir, je ne sais pas si les gens vont complètement glisser dessus. Mais oui, ben c'est ça, c'est vraiment les thèmes que je voulais aborder. Hein, c'est... je sais. Et tu mentionnes, en fait, je pense qu'on peut commencer, parce que tu as placé un élément, l'idée de la ferveur politique avec la ferveur sexuelle qui est au début. Ferveur politique, tu l'as placé avec les manifestations de Montréal du printemps érable, donc 2012, le grand mouvement social, et je me rappelle être tombé sur une entrevue de toi où tu disais, pour toi, ça a été un peu, parce que tu nous disais il y a quelques instants, j'écris pas très très politique, mais ça avait été un peu ton saut de l'ange, où le moment où t'avais ressenti le désir d'impliquer ton trait dans une certaine implication, dans un certain engagement politique. Oui, puis justement, ça avait poché. Je trouvais que j'avais un peu échoué. J'ai du monde autour de moi qui est comme Alexandre Fontaine-Rousseau, Philippe Squarzoni, qui ont des vraies bonnes idées, Clément de Gaulle-Jacques, qui ont des vraies bonnes idées politiques. Puis moi, mes idées, c'est toujours un peu à remorque, tout ça. Puis je me suis aperçu que moi, ce qui m'a formé politiquement, c'est pas des ouvrages politiques, c'est des ouvrages un peu plus artistiques, un peu plus champ gauche, étranges, tout ça, qui font juste te montrer que la pensée à catégorie, c'est pas une bonne affaire, qui font juste te faire réfléchir autrement. Moi, j'écoutais de la musique industrielle, je lisais des livres de poésie, ça parlait jamais directement de politique, sauf que ça développait ton empathie, ça développait ton écoute, ça développait la possibilité de créer un autre monde qui nous appartient, qui nous ressemble. Donc, ça, je trouve que ça m'a complètement nourri politiquement, puis je pense que c'est plus cet aspect-là que je dois transmettre d'une certaine manière, que je dois travailler. Puis je pense que c'est pas moins politique que d'attaquer les choses de front puis d'être dogmatique. Donc, je pense que c'est plus mon ton. Puis dans le fond, l'inclusion du Montréal de 2012 dans Rôle de composition permet un peu de faire le pont, j'ai l'impression, peut-être entre les deux. Oui, parce que aussi, c'est justement cette réflexion-là, c'est pour ça que ça a pris 5 ans faire ce bouquin-là, à m'a bloqué aussi, parce que justement, je voulais m'impliquer politiquement dans mon travail, sauf que en n'ayant pas vraiment des bonnes idées, tout ça, j'étais un peu bloqué. Je voulais être très engagé, clairement, parce que je me disais que, bon, justement, les progressistes avaient pas une voix aussi claire que les conservateurs, tu sais. Les conservateurs qui disent « on veut garder nos guns, on veut Jésus », tout ça, c'est très, très clair. Puis nous autres, on a toujours été, justement, plus subtils, plus ambigus, puis je voulais cette espèce de clarté-là à la Michael Moore, là, qui est... mais je peux pas sortir ça de mon chapeau de nulle part. Ça m'a pas assez passionné jeune, j'imagine. Puis je suis plus un poète, je pense, qu'un politicien. Et d'une certaine façon, en fait, c'est un double désir de bien définir, de bien te positionner par rapport à ta création. Ce qu'on parlait tantôt, ouais, du désir au niveau du trait, du dessin. La même chose de ce que j'en comprends au niveau narratif aussi. Donc c'est vraiment, c'est un album d'étape presque. Oui, ben c'est ça. Je vois ça vraiment comme une charnière. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup poussé. C'est un album qui est plus court que Comédie sentimentale pornographique, mais qui, avec les ellipses, je pense, est tout aussi riche. Mais c'est ça. J'ai poussé à la fois de l'écriture, le dessin. C'est vraiment comme si je faisais mon premier bouquin. Et côté couleur, d'ailleurs, je pense que ça vaut la peine de le mentionner aussi, c'est en bichromie, ouais, l'album où on va chercher pour chaque section, dans le fond, pour chaque chapitre, on pourrait dire, il y a une couleur qui est dominante, qui va varier, on change les ambiances, ça donne un côté très graphique aussi à l'album, et en même temps, j'imagine que le choix du ton, c'est quand même assez capital aussi, parce que ça définit l'ambiance entière de ces quelques pages-là, ça les distingue des autres, etc. Donc, pourquoi la bichromie, puis quel poids ça t'a donné, quel défi ça t'a donné aussi? Ouais. Ben, au début, la première histoire était vraiment rouge à cause que c'était les carrés rouges, tout ça. Puis après ça, les autres histoires, je les imaginais avec d'autres teintes, d'autres ambiances. Donc, je me suis fait une espèce de coque de couleurs. Je me suis dit que ce serait le fun à la fin faire quelque chose avec les sept couleurs du bouquin. Donc, sur la couverture, il y a les sept couleurs. Puis bon, mais il y a juste une page vers la fin où sont utilisées. Puis je pense que ça a de l'impact parce que ça rappelle un peu toutes les scènes, chaque scène et chaque, même les extraits de films, les extraits de pièces font partie du discours, puis en amenant juste ces couleurs-là à la fin, pour moi, c'est vraiment comme une espèce de reflux de tout ce qui a été dit dans le livre, puis qui s'exprime dans cette image-là. Donc, c'est vraiment comme, c'est peut-être une approche assez musicale, un instrument de musique par chanson ou par scène, qui font une espèce d'unisson à ce moment-là. Et puis qu'on joue à travers de ces instruments-là différentes facettes dans le fond de la relation, de son évolution ou dans ce cas-ci de sa décomposition aussi, parce que c'est un peu ça. Je me demandais, est-ce qu'on est dans un récit un peu pessimiste, un peu réaliste? Est-ce qu'on sent de l'optimisme là-dedans? On a plusieurs impressions conflictuelles quand on arrive à la fin, là, si on peut dire. Ben, la vie est comme ça, mais je pense que le plus important, c'est l'espèce de compassion qu'il y a à la fin. C'est qu'il n'y a pas une accusation, il y a vraiment quelqu'un qui a fait du tort à quelqu'un d'autre, sauf qu'il y a beaucoup de compréhension dans la manière de dealer avec ça. Puis ça, c'est vraiment très quarantaine de savoir qu'il n'y a personne qui est pur. On a tous fait des gaffes, on a tous fait des trucs moches, même avec les meilleures intentions. Puis on comprend un peu plus l'autre, l'aventure de l'autre, je pense. Moi, en tout cas, à 40 ans, j'étais peut-être bête quand j'avais 20 ans, là, mais je le comprends beaucoup mieux. Puis il y a cette espèce de compensation de compassion-là, de voir que tout le monde est un peu déçu aussi de la vie, déçu des autres, puis il y a une complicité dans le fait qu'on est tous déçus de la vie qu'on a eue. Il y a une fraternité dans la déception, dans le désespoir, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve beau, puis que je voulais qu'il ressorte du livre. Donc c'est effectivement pessimiste, mais c'est dans l'espèce de fraternité du pessimisme universel. Un pessimiste optimiste. Ouais, disons, on peut dire ça, ouais. Et à travers ça, je parlais d'évolution. Si on revient un peu au contexte graphique, d'abord, premier point, c'est tes personnages, donc on les voit sur 5 ans. Tu t'es amusé aussi à les faire vieillir, à les faire évoluer, à les faire se transformer. Tu nous disais aussi que ton album avait été fait sur à peu près la durée que ça dure. Exactement. Donc ça a donné un petit coup de pouce pour accompagner ces personnages-là au fil des années. Oui. C'est ça. Ben moi, c'est j'ai commencé en 2012, j'ai fait la deuxième histoire en 2013. Après ça, 2015, j'en ai fait une. Puis là, ben j'ai fait une grosse concentration de 6 mois cette année. Mais à chaque fois que je retournais vers ces personnages-là, moi j'avais changé, donc ils avaient changé, tu sais. Donc c'est un peu ça qui a influencé ces changements-là aussi. Bon, juste dessiner des dreadlocks, je trouvais ça compliqué, je trouvais ça lourd à un moment donné, fait qu'elle se rase la tête. Puis il y a aussi, je pense, une influence d'auteur de bande dessinée qui s'appelle les frères Hernandez, qui font Love and Rockets. Il y a beaucoup de changements. Par exemple, Maggie, elle commence, elle a 16 ans, elle est toute mince, puis là, à la fin de la série, elle a 50 ans, puis elle est plus corpulente, puis elle est plus ridée, puis tout ça. Puis il change beaucoup les looks de ses personnages, puis on les reconnaît toujours. Puis ça m'a toujours impressionné, parce que c'était avec les cheveux, puis des trucs vraiment distinctifs qu'en tant que dessinateur, on sépare nos personnages. Alors que lui, c'est vraiment dans les petites finesses, puis ça m'a toujours impressionné. J'ai toujours essayé de faire ça. Donc, c'est sûrement... je régurgite un peu cette influence-là dans ça, cette espèce de défi-là. Est-ce qu'on va reconnaître le personnage, même s'il a une tête assez différente? Oui, puis si on respecte... Dans le fond, si le personnage est bien balancé, qu'il est tridimensionnel, qu'il a le même, entre guillemets, regard, qu'il a la même énergie qui en ressort, ben nécessairement, on va réussir à aller faire ce chemin-là avec lui, d'une certaine manière. C'est ce que j'espère, mais aussi, c'est ça. Les gens que je connais autour de moi, dans 5 ans, ils changent de tête. Ça fait partie de la vie aussi, justement, quand... Noémie, elle veut un peu se délester, elle part en avion, tu sens qu'elle étouffe un peu dans son couple, mais c'est ça, donc elle se rase les cheveux, elle change vraiment de look, elle a l'air moins hippie, tout ça, elle s'habille plus moderne européen pour aller en Europe, puis je trouve que ça... Je sais pas, c'est très, très humain, ça fait partie de la vie. Oui, puis ça permet en fait de refaire le casting, entre guillemets, de ces personnages principaux, dans la mesure, OK, il y a ça qui se passe, mais comment on est en mesure de refléter les actions, l'état intérieur, par aussi la transformation physique, parce que de toute façon, nous aussi, c'est comme humain, l'évolution qu'on a est le reflet des actions qu'on entreprend, donc c'est un peu l'exercice de le faire pour tes personnages. Oui, mais c'est ça. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc, et si on reste dans le casting, Jimmy Beaulieu, personnage secondaire, Anna, l'actrice dont Noémie va tomber amoureuse. J'ai l'impression que ce n'est pas des personnages toujours évidents à lancer au niveau des traits, parce que il faut qu'il y ait un charisme qui en ressort, il faut qu'on comprenne pourquoi, dans le fond, ce personnage-là va servir de catalyseur pour les actions qui sont entreprises. Mm-hmm. Et en même temps, tu as choisi aussi d'y aller avec un personnage qui est charismatique, mais dans un cadre de beauté qui n'est pas nécessairement celui qu'on donnerait habituellement à ce type de personnage-là non plus. Ouais, ben c'est ça, c'est l'espèce de femme fatale, elle en a pas l'air du tout, c'est une fille, elle a un mohawk, elle a un grand nez pointu, une face un peu octogonale, hexagonale, pardon. Puis effectivement, elle correspond pas tout à fait à cet idéal-là, mais pour moi, c'est important. Puis aussi, c'est souvent ça, des beautés qui sont un petit peu off, des fois, ils vont nous rendre encore plus fous que, t'sais, qu'une beauté de magazine, tu sais. Il y a quelque chose d'un peu plate là-dedans. Puis quand t'as vraiment quelqu'un qui arrive avec des traits particuliers, mais qui nous charme, je pense que ça participe de ça. Puis aussi, il y a aussi qu'il faut montrer que, justement, ce standard-là, il est un peu plate, là. C'est pas ça dans nos vies. T'sais, les filles sont rondes, les hommes, on a toutes des shapes différentes, puis c'est beau dans la multiplicité. Puis, oui. Donc, il faut que ça se reflète dans ce qu'on fait. Exactement. Puis c'est ce qui fait aussi pour toi, mais en fait, je veux dire, c'est la nature de la femme, la féminité, autant dans son corps que dans son expression, c'est quelque chose que tu explores au fil des années. Donc, j'imagine qu'à longue aussi, tu finis par avoir le désir de sortir des cadres établis, de profiter de ton observation, de ton dessin pour poursuivre un peu l'expression de ces charismes-là, de ces sexualités-là aussi. Oui, parce que tu sais, j'ai toujours été, j'ai jamais eu un critère de beauté rigide, sauf que mes dessins montraient ça parce que c'était une pauvreté du dessin. C'était une pauvreté du dessin de dessiner toujours le même genre de corps, tout ça. J'avais appris ça en regardant d'autres dessinateurs, pas en regardant du vrai monde. Puis je pense que ça, c'est le truc sur lequel j'ai le plus travaillé pour rôle de composition, la forme des visages. Noémie est noire, donc il fallait vraiment faire le fuselage différent, puis donc apprendre à bien le faire. Colette aussi, c'est pas juste qu'elle est plus potelée, tu sais, dans la comédie sentimentale, c'est beaucoup moins marqué, les formes de visage, puis les formes de corps, tout ça, puis la manière qu'ils se tiennent, qui ont des positions. Donc c'est ça, j'ai énormément travaillé là-dessus. Donc c'était pas une question de goût. Puis là, je dirais même pas que c'est du militantisme, là. Maintenant aussi, c'est vraiment une continuité du même espèce d'émerveillement, sauf que là, il est servi avec un dessin qui est plus riche, je pense, qui est plus multiple, qui montre mieux cette multiplicité-là que les moyens que j'avais avant. Et parallèlement, on a parlé aussi beaucoup de la réinvention des personnages, réinvention graphique. On comprend un peu le contexte aussi. Et j'ai envie de nous amener en fin d'entrevue vers le titre, rôle de composition. Mm-hmm. L'idée un peu de ce que j'en ai compris, des rôles qu'on va prendre, des masques qu'on va choisir de se mettre volontairement ou involontairement au fil des relations. Ouais. Ben oui, ça s'est dessiné un peu tout seul. D'habitude, au début, je voulais un titre qui tourne autour du théâtre parce que Noémie est une actrice. Sauf que quand je voyais Colette, quand elle va voir sa mère, disons, elle garde une façade, puis elle encaisse des trucs qui font très mal dans la relation avec sa mère, mais elle garde une façade souriante, tout ça, puis elle se décompose complètement dès qu'elle part dans les bras de sa blonde. Puis Noémie, justement, garde la face quand elle va trahir. Je dis un peu des punches du livre, mais quand elle va trahir sa Colette, garde quand même, commence à mentir, tu sais. Puis donc, c'est ça. C'est vraiment aussi, quand on est, c'est ça, dans un couple, on joue ce rôle-là, puis la partie de soi qu'on oublie. M'emmener, elle se met à hurler, puis elle veut sortir d'une certaine manière. Moi, je l'ai sorti dans un livre, fait que ça fait moins de troubles, comme je disais tantôt. Oui, puis en même temps, ça donne un peu une idée, je pense, de la dimension psychologique de la chose, parce que, en fond, c'est un livre qui est assez riche, je trouve, parce qu'il y a une dimension graphique, une dimension des personnages, des corps et le reste. Il y a la dimension psychologique, c'est l'alliance un peu de tout ça pour amener vers, dans le fond, cette conclusion dont on a parlé, vers finalement le regard du temps qui passe, l'idée qu'on est tiraillé entre l'idée de laisser une empreinte dans le monde, notre envie de changer le monde, puis notre envie de vivre peut-être plus simplement, puis de prendre un café le matin, puis that's it, on est un peu tiraillé entre ces deux dimensions-là aussi, il faut dire. Oui, c'est ça, comment c'est ça. Vivre sa vie et changer le monde, c'est un autre des trucs. En tout cas, c'est vraiment chouette de jaser de ce livre-là avec toi. Je comprends un peu mieux ce que j'ai fait à force d'en parler avec toi. Mais oui, c'est ça, effectivement. Vivre sa vie et essayer de changer le monde, et essayer de faire de l'art, et essayer de garder de la beauté aussi, parce que c'est un peu ça qui fait qu'on a de quoi à défendre, comme Churchill disait, là, t'sais, il disait, si on met tout l'argent dans l'armement en temps de guerre, then what are we fighting for? Pourquoi on se bat? C'est d'essayer de garder la beauté. On veut qu'il y ait plus d'égalité sociale, tout ça, pour qu'on puisse encore faire de l'art, qu'on puisse encore faire de la beauté, pour qu'on puisse encore voir que notre vie a une valeur plus que juste consommer puis crever, t'sais. Et évidemment, ces réflexions-là, ces regards-là sont portés, je le rappelle, dans le livre de Jimmy Beaulieu, donc rôle de composition, c'est chez Mécanique Générale. Jimmy, merci beaucoup. Merci beaucoup, Raymond.